je me jurais que ce pays ne se relèverait pas de mon entêtement. Je suis marchand de bombes, de canons, de missiles. Ma femme est grande et blonde avec de fossiles. Et j'aime pas le sang quand il sort de mes veines. Je tombe dans les pommes comme quand j'avais 20 ans. Le sang a coulé de la baignoire. Le sang est rouge et parfois noir. Je n'aurais pas aimé être hémophile, ni guerrier, ni rien, ni pas même civil. D'ailleurs, je n'aime pas la femme et elle me le rend bien. C'est une vieille traînée, je suis pédophile. Et parfois noir. Quand elle a découvert le poteau rose, qu'elle a trouvé mes photos de ballet rose, alors elle m'a menacé et elle m'a insulté. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Descends. Et je l'ai poignardé, et je l'ai poignardé quand elle prenait son bain. Et je l'ai poignardé, et je l'ai poignardé, et je l'ai poignardé quand elle prenait son bain.